La Bible David Martin 1744. Livre des Juges, chapitre 1. Or il arriva qu'après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour leur faire la guerre ?» Et l'Éternel répondit, « Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Juda dit à Siméon son frère, « Monte avec moi en mon partage, et nous ferons la guerre aux Cananéens, et j'irai aussi avec toi en ton partage. » Ainsi Siméon alla avec lui. Juda donc monta, et l'Éternel livra les Cananéens et les Phéréziens entre leurs mains, et ils battirent en Bézek 10 000 hommes. Or ayant trouvé Adoni-Bézek en Bézek, ils combattirent contre lui, et frappèrent les Cananéens et les Phéréziens. Et Adoni-Bézek s'enfuit, mais ils le poursuivirent, et l'ayant pris, ils lui coupèrent les pouces de ses mains et de ses pieds. Alors Adoni-Bézek dit, 70 rois, dont les pouces des mains et des pieds avaient été coupés, ont recueilli du pain sous ma table, comme j'ai fait, Dieu m'a ainsi rendu, et ayant été amené à Jérusalem, il y mourut. Or les enfants de Juda avaient fait la guerre contre Jérusalem, et l'avaient prise, et ils avaient fait passer ses habitants au tranchant de l'épée, et mis la ville en feu. Puis les enfants de Juda étaient descendus pour faire la guerre aux Cananéens, qui habitaient dans les montagnes, et au midi, et dans la plaine. Juda donc s'en était allé contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, or le nom d'Hébron était auparavant Kirjatarba, et il avait frappé Sesaï, Aïman et Talmaï. Et de là il était allé contre les habitants de Débir, le nom de laquelle était auparavant Kirjatsephé. Et Caleb avait dit, « Qui frappera Kirjatsephé et la prendra, je lui donnerai ma fille Aksa pour femme. » Et Othniel, fils de Kéna, frère puîné de Caleb, la prit, et Caleb lui donna sa fille Aksa pour femme. Et il arriva que comme il s'en allait, elle l'incita à demander à son père un champ, puis elle descendit impétueusement de dessus son âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ? » Et elle lui répondit, « Donne-moi un présent, puisque tu m'as donné une terre sèche, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les fontaines du quartier de dessus, et les fontaines du quartier de dessous. Or les enfants du Kénien, beau-père de Moïse, étaient montés de la ville des Palmes avec les enfants de Juda, au désert de Juda, qui est au midi de Hara, parce qu'ils avaient marché et demeuré avec le peuple. Puis Juda s'en alla avec Siméon son frère, et ils frappèrent les Cananéens qui habitaient à Tsephat, et la détruisirent à la façon de l'interdit, c'est pourquoi on appela la ville du nom d'Orma. Juda prit aussi Gaza avec ses confins, Ascelon avec ses confins, et Écron avec ses confins. Et l'Éternel fut avec Juda, et ils dépossédèrent les habitants de la montagne, mais ils ne dépossédèrent point les habitants de la vallée, parce qu'ils avaient des chariots de fer. Et on donna, selon que Moïse l'avait dit, Hébron à Caleb, qui en déposséda les trois fils de Hana. Quant aux enfants de Benjamin, ils ne dépossédèrent point le Jébusien qui habitait à Jérusalem, c'est pourquoi le Jébusien a habité avec les enfants de Benjamin à Jérusalem jusqu'à ce jour. Ceux aussi de la maison de Joseph montèrent contre Bethel, et l'Éternel fut avec eux. Et ceux de la maison de Joseph firent reconnaître Bethel, dont le nom était auparavant, Luz. Et les espions virent un homme qui sortait de la ville, auquel ils dirent, « Nous te prions de nous montrer un endroit par où l'on puisse entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra donc un endroit par où l'on pouvait entrer dans la ville, et ils la firent passer au tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme-là, et toute sa famille. Puis cet homme s'en étant allé au pays des Étiens, y bâtit une ville, et l'appela Luz, qui est son nom jusqu'à ce jour. Manassé aussi ne déposséda point les habitants de Beth-Séan, ni des villes de son ressort, ni les habitants de Taanach, ni des villes de son ressort, ni les habitants de Dor, ni des villes de son ressort, ni les habitants de Jibléam, ni des villes de son ressort, ni les habitants de Megiddo, ni des villes de son ressort, et les Cananéens osèrent encore habiter en ce pays-là. Il est vrai qu'il arriva que quand Israël fut devenu plus fort, il rendit les Cananéens tributaires, mais il ne les déposséda pas entièrement. Ephraïm aussi ne déposséda point, les Cananéens qui habitaient à Gézé, mais les Cananéens habitèrent avec lui à Gézé. Zabulon ne déposséda point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, mais les Cananéens habitèrent avec lui, et lui furent tributaires. Azé ne déposséda point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni d'Alab, ni d'Axib, ni d'albas, ni d'Afi, ni de robes. Mais ceux d'Azé habitèrent parmi les Cananéens habitants du pays, car ils ne les dépossédèrent point. Nephtali ne déposséda point les habitants de Bethsem, ni les habitants de Beth-Anath, mais il habita parmi les Cananéens habitants du pays, et les habitants de Bethsem et de Beth-Anath lui furent tributaires. Et les Amoréens tinrent les enfants de Dan fort resserrés dans la montagne, et ils ne souffraient point qu'ils descendissent dans la vallée. Et ces Amoréens-là osèrent encore habiter à Aréré, à Ajalon, et à Saalbim, mais la main de la maison de Joseph étant devenue plus forte, ils furent rendus tributaires. Or la contrée des Amoréens était depuis la montée d'Akrabim, depuis la roche, et au-dessus.